sourire et froid. J'ai rarement le sourire, mais avec toi je vais être franc. J'ai trop de fumes dans ma tête, imaginons avec un autre, c'est pas de ma faute. C'est ton absence qui m'a rendu parano, apparemment je supporte mal. D'être aussi loin de toi, ma belle, ça me rend malade. Une plus pouvoir te serrer dans mes bras, comme autrefois au bord de plage. Loin des mauvais présages, disons jamais ce c'est fort et en admirant le paysage. Plongé dans le silence, des vagues sont sur le rivage, c'était trop beau. Mais aujourd'hui c'est moi qui fais naufrage, noyé dans le désespoir. Je n'ai plus la force d'y croire, à des retrouvailles entre nous deux, j'ai perdu tout espoir. Séparé de toi mon autre, je m'enfonce vers le gouffre. Sombrant dans la déprime comme la plupart des gens qui souffrent d'un manque d'amour ou d'une personne disparue qui leur est chère. Désemparé comme moi je le suis, je sais même plus quoi faire. J'ai une morale à zéro, j'irai même d'un chien battu. Tu sais l'amour ça tue, donc voilà pourquoi je suis abattu. Et le temps n'efface pas les blessures comme on l'entend mais les ravis. Trop loin de toi je n'y arrive pas, je t'assure j'ai même perdu l'envie de vivre. Car tous les jours passent, je me dis qu'on se verra plus jamais. En espérant c'est faux, car Dieu seul sait comment j'aimerais t'apercevoir encore une fois. Le cœur serré, le cœur crispé en renvoyant ta silhouette s'éloigner dans l'obscurité. Tu m'as blessé profondément et je ne peux plus te pardonner. Tu sais, toutes les erreurs passées m'ont trop souvent perturbé. Je perds le nord, je t'aime encore, mais les douleurs sont trop fortes. Tu as peut-être changé, mais je garde notre relation. Les mensonges reviennent à moi, pardonne-moi ou excuse-moi. Refrain, peuple de clémence, comme autrefois, oui, écoute-moi. C'est un discours inédit, j'ai même changé de répertoire. J'parle même comme un lover, j'arrive même pas à y croire. J'avoue, je t'ai fait pleurer, désolé. Moi, dérespecté, c'est pas de ma faute, j'étais trop jeune et puis trop con. À présent, je me rends compte, mais désormais, j'ai changé. Et puis, on a peu ma flamme, j'te jure, j'irai, vas-y, écoute mon dernier son, respecte la femme. Suis-moi même à mon tour, chérie, je reconnais mes torts. J'ferai plus faut passer clair, aujourd'hui, je rêve d'amour. Que le bonheur nous entoure, à notre retour sans mentir. C'est avec toi que je conçois mon avenir, mon âme. Même si pour cela, je dois graver tous les temps, le froid, la pluie et même le vent. Pour te rejoindre au bout du monde, et bien, j'irai où tu es, et je m'en irai pas sans toi. Et on ira, toi et moi, car sans toi mon cœur va plus. Si soudainement ça paraît fou, mais oui, amour c'est l'amour. Tu sais, la fête du Cupidon vient nous frapper sans détour, sans prévenir et n'importe où. Elle touche ainsi en plein fouet, apparemment elle m'a touché. Voilà ce qui provoque cet effet. Donc je ferai tout ce qu'il faut faire pour plus te perdre afin de te plaire. Car notre âme sur terre n'existe qu'en un seul exemplaire. Et aujourd'hui, moi j'ai trouvé, donc pas question de vivre sans elle. Mais juste le fait d'imaginer un demain sans nous deux me coupe les ailes. Tu m'as blessé.